T'as maté le sky comme si c'était un miracle. Mais mec, t'es pas seul, t'as pas d'oracle. T'as crié, ça y est, je la vois, tout fier sur Discord. Moi j'ai visé, j'ai tiré, j'ai looté ton sort. Qu'est-ce trop visible, cerveau trop lent. Ton stuff a brillé dans mon camp. J'te vois courir comme un lapin bourré. Mais mon viseur, lui, t'as jamais quitté. Ta bulle d'une tour comme un champion du dimanche. Sauf que j'étais là, juste sous ta planche. T'as ouvert la caisse, prêt à flex sur ta team. Mais j't'ai mis au sol sans un bruit, sans un cri. Caisse trop visible, cerveau trop lent. T'avais les styles mais pas le talent. J'ramasse tout pendant que ton écran se fige. T'as looté ta propre chute, abruti de prestige. Faut pas courir sans réfléchir. Faut pas rêver quand t'as pas d'avenir. Les caisses ça brille, mais c'est pas pour toi. C'est pour Heiderskill et ses putains de lois. Qu'est-ce trop visible, cerveau trop lent. J'vise la victoire, toi t'cherches l'instant. Dors bien, réponse, c'est pas personnel. C'est juste rust, cruel, éternel. Qu'est-ce trop visible, cerveau trop lent. J'vise la victoire, toi t'cherches l'instant. Dors bien, réponse, c'est pas personnel. C'est juste rust, cruel, éternel. Elle est vrai.